À l'occasion du 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste secrétaire général du Parti Travail de Corée, du 71e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée et du 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, le journal congolais Le Patriote, le journal pakistanais Election Times, le journal Nigerian Observer et le journal Kuwait Times ont fait des rédactions spéciales et donné des articles. Le journal congolais a inséré la photo du maréchal Kim Jong-un.